rêve de me barrer au bord de la mer. C'est pas d'artiste que de la merde. J'm'en bats les couilles d'être une star tant que j'suis une étoile dans les yeux de ma mère. La voix du Seigneur m'appelle. Je sais que le devoir m'appelle. Chaque mois j'attends la fin, la ceinture est serrée, j'ai hâte de voir ma paix. Chérie, j'aime pas voir ta peine. Je sais que tu pleures en cachette. Dans les yeux, revolver, mais s'il te plaît, n'appuie pas sur la cachette. Car je me trouve en passe de larmes. Non, non, non. Non, non, non, je veux juste qu'un sourire en place de larmes. Si tu veux du rêve, j'en ai pas. Pour toi, tu vas tomber si tu traînes dans mes boîtes. J'ai besoin de la drogue et n'en ai pas. Cherche l'équilibre pour celui qui marchera dans mes pas. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes. J'ai connu des vrais, j'ai connu des faux. J'ai connu des bas, j'ai connu des hauts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Plus je suis high et plus je suis taille et plus je suis loin, plus je me rapproche. Je prends des risques et je prends des risques et je prends des risques, mais peu importe, moi je rêve de taper dans le mille. J'ai peur de tomber dans le vide. Plus je suis droit et plus je suis droit et plus le diable frappe à ma porte. Mais je m'en tape et j'ouvre hop, je m'en bats les couilles que ça rapporte. Moi je rêve de taper dans le mille. J'ai peur de tomber dans le vide. Yeah, yeah, yeah. J'aime bien quand je suis high. J'aime pas quand ça redescend. Je vois que le monde est en descente. Je suis dans un mauvais mood, c'est incessant. Rentre pas dans mes bails, mais pas net dans mes affaires. Je suis pas le nerf de la guerre. T'es pas d'accord, tu la fermes. Cours après la maille. Tu fais la maille, tu la cherches. Seul à pouvoir la faire. C'est pas nécessaire, mais ça sert. Cours après le bonheur, cours après la gloire. Je suis heureux quand je cherche pas à l'être. On suit pas les règles à la lettre. J'ai longtemps rêvé de vous la mettre. Si tu veux du rêve, j'en ai pas. Pour toi, tu vas tomber si tu traînes dans mes boîtes. J'ai besoin de la drogue et n'en ai pas. Cherche l'équilibre pour celui qui marchera dans mes pas. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes. J'ai connu des vrais, j'ai connu des faux. J'ai connu des bas, j'ai connu des hauts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Plus je suis high et plus je suis taille et plus je suis loin, plus je me rapproche. Je prends des risques et je prends des risques et je prends des risques, mais peu importe, moi je rêve de taper dans le mille. J'ai peur de tomber dans le vide. Plus je suis droit et plus je suis droit et plus le diable frappe à ma porte. Mais je m'en tape et j'ouvre hop, je m'en bats les couilles que ça rapporte. Moi je rêve de taper dans le mille. J'ai peur de tomber dans le vide. Yeah, yeah.